Bonjour mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce lundi dont voici les grands titres. La 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe se tient à Bujumbura ce lundi. Et l'Observatoire national de lutte contre la corruption et les malversations économiques conseille au nouveau gouvernement de déclarer leurs biens dans un délai de 15 jours pour la bonne gouvernance. Et la chronique sport de ce lundi parle du nombre des arbitres dans le jeu de techball. Voilà pour l'essentiel. Vestine Boutouris à la présentation, la cabine technique, et vous êtes avec Ansel Mirambona. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La page coopération débute ce journal. Le Burundi abrite la 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe. Dans son discours d'accueil, le président du Sénat burundi a annoncé que les réflexions portées sur les effets et les répercussions de la COVID-19 sur l'économie arabo-africaine et la réponse des gouvernements. Une autre réponse focalise sur la guerre russo-ukrainienne et ses effets sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Suivez Sinzo Hagera Emmanuel, président du Sénat burundi. L'Association des Sénats, Jura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe se réunit aujourd'hui pour mener des réflexions sur deux thèmes. Les effets et les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les économies arabo-africaines et la réponse des gouvernements. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Vers la fin de l'année 2019, le monde a connu la pandémie de la COVID-19 qui s'est propagée rapidement dans tous les pays, causant des dommages dans tous les secteurs. Cette pandémie a brusquement interrompu les activités dans le monde. Les pays africains et ceux du monde arabe n'en ont pas été épargnés. Dans un premier temps, plusieurs études se sont concentrées sur la mortalité que cette crise entraînait, négligeant ses effets économiques. Et pourtant, la COVID-19 a également créé des occasions de constater combien il est important de bien comprendre les effets économiques des pandémies afin d'analyser les politiques à mettre en œuvre pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques. Au moment où le monde commençait à sortir de la crise de la COVID-19, une autre crise a subitement surgi. Il s'agit de la guerre russo-ukrainienne qui a débuté le 24 février 2022. Cette crise est venue imposer des défis supplémentaires à l'économie mondiale en général et aux économies africaines et arabes en particulier. Des crises alimentaires, énergétiques, financières qui en résultent sont venues compliquer la vie quotidienne des citoyens du monde entier, en Afrique et dans le monde arabe notamment. Les perspectives économiques indiquent que la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne pourraient laisser des traces en termes d'impact sanitaire et économique pendant plusieurs décennies. C'est dans ce contexte mondial, marqué encore par les conséquences de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne, que l'Association des Sénats, Shura, et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe débute aujourd'hui sa réunion de concertation pour mieux appréhender les effets et les répercussions de la COVID-19 sur les économies arabo-africaines, ainsi que les effets de la guerre russo-ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Emmanuel Sinzo Hagira est le président du Sénat burundais en page de gouvernance. L'Observatoire national de lutte contre la corruption et les malversations économiques appelle le nouveau gouvernement à déclarer leurs biens dans un délai de 15 jours conformément à la Constitution. Propos du président de l'Olicom lors d'un point de presse ce lundi, Gabriel Rufil estime que la place des experts est indispensable en ce qui concerne la bonne gouvernance. Il y rappelle l'existence d'une loi interdisant tout mandataire public à titre professionnel d'exercer une activité privée. On l'écoute. Le nouveau gouvernement qui vient d'entrer en fonction, mais aussi l'Olicom voudrait rappeler certains principes dans le but d'aller vers le développement et la bonne gouvernance dans notre pays. Il y a des principes de base. D'abord, il faut que tous les discours du chef de l'État, qui sont des discours politiques, soient accompagnés par des actes concrets à travers des documents de politique minutieusement étudiés par les experts. Le point des experts est quelque chose de capital au Burundi. Nous pensons qu'avec le budget programme, s'il ne sera pas saboté, on pourra arriver loin. Et c'est à ce niveau que des réformes pourraient être engagées. Des réformes profondes peuvent nous faire arriver loin et nous faire quitter cette maladie de pauvreté. Mais il suffirait seulement qu'il y ait la mise en avant des experts capables d'avancer le développement. Le gouvernement du Burundi a commencé, nous voyons, qu'on fait recours de temps en temps à quelques experts burundais, mais il faut penser aux experts internationaux qui ne sont pas même des Burundais, mais ils vont collaborer bien évidemment. À côté de ces réformes économiques et aussi au niveau de la gouvernance, il doit y avoir des stratégies de lutte contre la corruption et les maladies économiques pour enraciner les principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. La première chose à faire, c'est ça. Il faut d'abord respecter ce qui est. Respecter ce qui est veut dire quoi? C'est d'abord le respect de la Constitution et d'autres lois qui en découlent. L'article 95 de la Constitution burundaise stipule que le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, ils doivent déclarer le patrimoine, eh bien, en déjà 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent les prestations de serment, ils doivent déclarer le patrimoine. Un autre point que je voudrais souligner, c'est le décret loi numéro 1/03. Du 31 janvier 1989 à son article 12 qui stipule que les mandataires publics n'exercent plus le commerce. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal est continué par la page société. Environ 200 millions de francs burundais et le montant nécessaire pour achever les travaux de construction d'un bâtiment abritant le bureau provincial de Lumonge, annonce de consolateur Nitunga, gouverneur de cette province, ce dimanche lors d'une réunion avec les natifs. Et il a également ajouté que d'autres projets prioritaire pour le développement de la province figure la construction du port d'Orumongue. On l'écoute. Nous venons de réaliser cette réunion à l'endroit de ces natifs pour discuter sur ces projets de développement. Et l'issue de cette réunion a fait qu'une équipe qui prépare le forum d'investissement de nos provinces puisse être mise en place, parce que ce forum s'inscrit dans le cadre où, comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Président de la République a tenu un forum d'investissement au niveau national. Donc nous sommes ses représentants dans la province de Lumonge. Nous devons emboîter le pas de ce qui a été organisé par Son Excellence Monsieur le Président de la République. En deuxième lieu, nous avions un manque de 200 millions de francs pour achever les travaux de construction du bâtiment qui va abriter la province de Lumonge. Donc ici, les natifs se sont donné une période de 2 mois pour qu'ils puissent donner leurs contributions en vue d'achever le bâtiment. Les grands projets pour notre province, comme vous le savez, c'est en premier lieu l'achèvement des travaux de construction du bâtiment qui va abriter le bureau provincial. Un autre projet crucial, c'est ce projet de construction du port de Lumonge. Le projet de construction, si ce projet aboutisse, vraiment, nous allons bénéficier de beaucoup de choses ici de son projet. Aussi, dans les projets prioritaires, c'est que la province doit soutenir la volonté du gouvernement de développer, comme vous le savez, le littoral de la Tanganyika. En matière touristique, notre province regorge beaucoup d'aspects sur le lac Tanganyika. Donc, nous devons appuyer les projets qui doivent se réaliser sur le littoral de la Tanganyika en matière touristique. Radio Isanganiro, chronique sport. Deux arbitres, dont l'un principal, sont programmés pour diriger le match de Techball sous supervision du chef des arbitres. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de Techball explique que des arbitres de réserve sont aussi disponibilisés pour intervenir en cas de besoin. Vitaly Amoulemier affirme que le bon nombre des arbitres réduit les erreurs d'arbitrage. Et les détails de cette chronique sport avec Omer Ndouaye. Les arbitres de Techball sont de 3 catégories. Vitaly Amoulemier, secrétaire général de la Fédération burundaise de Techball, explique que seul l'arbitre principal et son assistant prennent des décisions lors du match. Au Techball, l'arbitre principal et son assistant se placent dans le prolongement de la ligne qui divise la table de Techball en deux et se placent au fond pour ne pas gêner les joueurs. Il y a le chef des arbitres qui est responsable de tous les arbitres qui sont dans la compétition. substitution. Ensuite, il y a les arbitres de réserve. Troisième catégorie, c'est l'arbitre principal et son assistant. C'est eux qui prennent toutes les décisions dans le match, mais l'arbitre en chef suit tout le match et tous les événements qui se passent dans le jeu. S'il y a une faute commise par un arbitre, il va prendre une décision sur le champ pour que la compétition se déroule très bien. Toute faute commise dans le match est sanctionnée par un point accordé à l'équipe adverse, ajoute Yamour Emye. Au Tekbo, il n'y a pas de faute qu'on sanctionne avec le carton jaune ou rouge. S'il y a une faute, c'est-à-dire que la faute est sanctionnée par un point qui est accordé à l'équipe adverse. Les principales fautes commises par les joueurs qui sont sanctionnées, c'est quand un joueur fait une obstruction à son adversaire lorsqu'il poursuit le ballon. Là, un point est accordé directement à l'équipe adverse. Et une autre faute, c'est quand un joueur essaie de causer ou de dialoguer avec son adversaire. On lui fait un avertissement et s'il reprend la même chose, la punition, c'est qu'on accorde un point à l'équipe adverse. Il en est de même s'il cause avec les spectateurs. Au Tekbol, les réclamations sont faites par des signes. On ne peut pas parler à l'arbitre. Tout simplement, on peut lui montrer ce qui s'est passé et s'il est d'accord, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération. Mais lorsqu'on essaie de lui parler, c'est-à-dire qu'on veut l'influencer, on est puni par un point qui est accordé à l'équipe adverse. Le bon nombre d'arbitres diminue les erreurs dans le match. Vital Yamour Emye précise que parmi les sanctions d'un arbitre qui se méconduit, figure la suspension. Si un arbitre commet une faute volontairement, c'est-à-dire qu'il va être suspendu, on va le remplacer par l'arbitre de réserve et il sera suspendu aussi pour les autres matchs qui vont suivre. Mais ça peut arriver que l'arbitre commette une faute involontairement par manque d'expérience. Celui-ci est obligé de faire des séances de renforcement pour s'améliorer afin qu'il revienne arbitrer dans le match futur. Autrement dit, au Tekbol, il ne peut pas y avoir des problèmes qui pourraient conduire à des plaintes dans un match, car si on constate qu'il y a un ça ne va pas, l'arbitre en chef va prendre une décision immédiatement pour la bonne continuation de la compétition. Selon toujours le secrétaire général de la Fédération burundaise de Tekbol, c'est l'arbitre assistant qui doit vérifier si tout le nécessaire est en ordre. Merci. Omar Ndouaye en page commerce. Les activités d'abattage reprennent leur cours normal à l'abattoir de Bujumbura. C'est l'affirmation du directeur général Hubert Mbabazi qui se dit satisfait de la situation actuelle. Une cinquantaine de vaches et 200 chèvres sont abattues chaque jour selon lui. Mais les marchands du bétail se lamentent des dépenses supplémentaires malgré la permission de reprendre ses activités. Francine Ndiokougaïo. Un mois et demi après la reprise des activités d'abattage, le directeur général de la société de gestion de l'abattoir de Bujumbura est aujourd'hui satisfait du rendement. Hubert Mbabazi fait savoir que l'abattage a repris son cours normal. Nos activités ont repris comme avant cette maladie. Ceux à qui nous délivrons ces services ont repris nos activités comme avant. Cette maladie n'éclate dans le nord du pays. Et nous aussi, nous avons pris nos activités d'abattage avec expertise sanitaire. Nous abattons en moyenne 50 bovins par jour, 200 petits ruminants par jour, et une trentaine de porcs. Nous travaillons avec les commerçants de bétail qui vont à l'intérieur du pays. Ils achètent ce bétail et font appel à nos services, le service d'abattage et d'expertise sanitaire, moyennant des frais d'abattage. Les marchands de bétail sont eux aussi satisfaits, mais se heurtent au problème de manque de marché de bétail et doivent utiliser des frais supplémentaires pour le transport aussi. D'autres parlent des malentendus avec les policiers qui, des fois, exigent des pots de vin pour les laisser passer. Contacté à ce sujet, le porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique a indiqué que les marchands de bétail qui respectent les conventions ne devraient pas avoir des problèmes. Pierre Moulikié explique que ceux qui transportent ce bétail avec tous les papiers signés sont normalement escortés par la police, comme décidé par le comité de riposte contre la fièvre de la vallée du Rift. Actualité international. La RDC participera à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU avec de grandes ambitions. Selon la RFI, le pays veut profiter de ses assises pour accentuer son lobbying visant à obtenir une plus grande implication de la communauté internationale dans la lutte contre les groupes armés. Ceci écumant l'Est congolais en général, mais surtout le territoire de Rutshuru où sont actifs les mouvements des combattants M23. Et un nouveau premier ministre en la personne d'Amadou Ba, un nouveau gouvernement, c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre au Sénégal, selon toujours la RFI, où les 38 ministres devront faire face aux défis économiques et sociaux sur fond de crise mondiale. Mais les défis sont aussi très politiques pour le président Macky Sall à 17 mois de la présidentielle prévue en février 2024. Et plusieurs centaines de dirigeants et de représentants des monarchies du monde entier sont réunis lundi à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth II avant son inhumation dans la soirée au château de Windsor, selon la RFI. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse, à Selma plutôt, Manila Irambona, Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir, passez une bonne soirée.